C'est vrai que ton mari est parti? Oui. Pourquoi tu m'as pas dit? Tu as peur de moi, hein? Mais non, Marius, je n'ai pas peur de toi. Va-t'en, tout ce que nous pourrions dire maintenant ne servirait à rien. Va-t'en. Ne remuons pas le passé. Il n'y a pas besoin de le remuer, va. Il bouge bien assez tout seul. Pourquoi tu as épousé Panis si vite? Pourquoi mon père m'a pas écrit que tu avais un fils? Comment ça se fait que Panis, qui a jamais pu avoir d'enfant avec sa première femme, soit devenu père à plus de 50 ans? Mais je ne sais pas, Marius, va-t'en. Comment ça se fait que ce petit soit né moins de 7 mois après ton mariage? Comment sais-tu? Hé, la boîte de dragée du baptême. César Marius. La date du baptême, la date de naissance. Eh bien, oui, Marius, il est né très en avance. Mais ce sont des choses qui arrivent. Eh, oui, ce sont des choses qui arrivent. Mais alors, tout à l'heure, pourquoi tu m'as dit qu'il avait 8 mois? C'est pas vrai, il en a 10. Seulement, tu voulais m'empêcher d'avoir des idées, hein? Oh, quoi tout, ça peut servir. Va-t'en, je t'en prie, va-t'en. Je sais la vérité, maintenant. Cet enfant est mien. Hein? Et je suis un criminel. Pourquoi tu ne m'as pas dit au lieu de me faire partir? Tu partais pour 5 ans. Pourquoi tu ne m'as pas écrit, Fanny? À cause de ma mère, j'ai tout dit à Honoré. Il m'a prise comme j'étais. Fanny. Ma petite Fanny. Pardonne-moi, je t'en supplie. Mais c'est à longtemps que je t'ai pardonné. Parce que tu n'avais pas compris, mon amour. Ni le mien. Je ne savais pas comme je t'aimais. Quand je suis parti sur la Malaisie, j'étais très heureux. Oh, je sais. J'ai lu tes premières lettres. Je ne pensais pas souvent à toi. Pour moi, c'était une chose réglée, finie. Et puis, petit à petit, ça m'a commencé. Ça me prenait surtout le soir dans mon hamac. Je pensais à toi. Tais-toi, Marius. Alors, j'ai commencé à croire que j'avais fait une bêtise. Seulement, je me disais, oh, c'est un petit instant d'amour. Ça va te passer. Et puis non. Ça ne s'est pas passé. Au contraire. À mesure que nous entrions dans les mers du Sud, ça devenait de plus en plus pire. Dès que je fermais les yeux, ça me reprenait. Je te voyais derrière tes coquillages, sous ton grand chapeau de paille. Je te voyais marcher le long des quais. J'entendais claquer tes petits sabots. Je sentais l'odeur de tes joues. Tais-toi, Marius. Ce n'est pas bien, il ne faut pas. Puisque c'est trop tard maintenant, ne dis plus rien. Et puis un jour, en face de Caroline, il m'est arrivé une chose terrible. Je n'ai pas pu penser à toi. J'avais oublié ta figure. Je me prenais la tête dans les mains, je fermais mes yeux de toutes mes forces. Je voyais du noir. Très perdu. Alors, j'ai écrit à mon père pour qu'il m'envoie vite une photographie de toi. Et puis en arrivant à Tahiti, j'ai trouvé le courrier de France. Mon père m'en a envoyé une de photographie. C'était celle de Thanos. Tu étais marié depuis un mois. Alors, comme je ne savais pas pourquoi, j'ai pleuré. Moi aussi, Marius. J'ai pleuré. Il prend Fanny dans ses bras. Fanny, si je suis revenu, c'est pour te voir. Je pensais que peut-être tu n'aimais pas Fanny. Que peut-être tu m'aimais encore. Non. Et maintenant, je vois que j'avais raison. Tu m'aimes toujours, Fanny. Non. Fanny, laisse-moi t'embrasser. Non. Laisse-moi t'embrasser. Il y a deux ans que j'en ai. Non, Marie, c'est mal. Marie, c'est mal. Non. Non, mes enfants. Ne faites pas ça. Il est brave, Fanny. N'essayez pas de le rendre ridicule devant les membres de la famille. Qui c'est qui t'a dit que j'étais ici? Eh, comme toujours, mon petit doigt. Oui. Ouais. Pourquoi tu ne m'as pas dit que cet enfant était de moi? Un enfant? Quel enfant? César, je lui ai tout dit. Tu n'as peut-être pas bien fait. Dans quel but veux-tu me cacher que j'ai des droits sur elle? Et sur son enfant? Des droits? Oh, mais je ne sais pas si tu as des droits. Écoute, papa. Je t'aime bien. Mmh. Mais en ce moment, je te prie de me foutre la paix. Comme tu as bien dit ça, Marius. On voit que tu es un homme. Tu ne respectes plus ton père. C'est normal. En l'absence de son mari, tu n'as rien à faire chez Madame Honoré Panis. Allez, viens, fous-moi le carré. Non, je ne m'en vais pas, reste. Tu vas venir avec ton père. Ce qu'il a fait, Panny, c'est très bien. Il a recueilli ta femme. Il a donné un nom à ton fils. Maintenant qu'il est en voyage, pour assurer l'avenir de ton enfant, toi, tu viens la nuit chez lui comme un voleur pour essayer de lui prendre sa femme. Marius, il y a eu de tout dans la famille. Des corsaires, des douaniers, des contrebandiers, des imbéciles, et même des simples mastroqués comme ton père. Il n'y a jamais eu de saligaud. Alors tu restes? Oui. Bon. Je reste aussi. César s'assoit.